Le prix international Kim Jong-il est octroyé à Ogami Kenichi, secrétaire général de l'Institut international des études jetées. La remise du prix a lieu le 15 au palais des congrès de Masoudé à Pyongyang. Y ont pris part Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, et autres officiels intéressés, le secrétaire général du conseil du prix international Kim Jong-il et sa suite, l'administrateur général du comité africain d'études des études jetées, et le rédacteur en chef du journal russe Zavtra et sa suite, et le secrétaire général de l'Institut international des études jetées et sa suite. Ces trois personnalités sont les administrateurs du conseil du prix international Kim Jong-il. Kim Jong-nam a indiqué que pendant plusieurs dizaines d'années, le secrétaire général Ogami Kenichi a livré dynamiquement les activités pour l'étude et la vulgarisation des études jetées, et soutenu de son mieux la lutte du peuple coréen pour la réunification du pays et la justice internationale. À la suite des discours de félicitations, Ogami Kenichi a pris la parole. Il a exprimé sa joie et son émotion d'avoir reçu le prix international Kim Jong-il, portant le nom de l'illustre grand homme coréen, à l'occasion du 75e anniversaire de sa naissance et sa détermination de mener mieux les études et vulgarisation des idées originales coréennes.